C'est quoi cette histoire là? Pourquoi le truc il bouge tout seul? Putain, je comprends pas. Merde. Enfin bon, putain, c'est étrange. Je sais pas les mecs là, enfin vous avez croisé le truc là de enfin quel truc? L'espèce de tu sais de démo là de Beyond. Mais après moi je vais pas faire le procès du truc, mais tu sais je trouve ça un peu bizarre, tu vois. J'ai l'impression que c'est une espèce de tendance maintenant où les mecs n'arrivent plus vraiment à faire un arbitrage réellement entre, on va dire, la mise en scène et le gameplay. Mais de manière générale, la question que ça pose, bah, c'est tout simplement, bah, finalement, enfin, qu'est-ce que la place de l'interactivité, tu vois. Donc je sais pas si, enfin, si vous, ça vous titille, mais moi, je sais pas, je me sens un peu bizarre. Je me sens un peu mal à l'aise par rapport à ça. C'est normal, ton corps change. Hugo. Cela dit, oui. L'interactivité, la place de l'interactivité. Là, donc dans la vidéo que tu nous as montré, on a une espèce de renier l'interactivité dans le jeu vidéo, totalement. Ouais. Enfin, c'est vrai que là c'est le cas précis, ouais. Éventuellement. Ouais, mais alors que ça fait partie de l'essence du média. D'accord. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un jeu vidéo. C'est un jeu, c'est une interaction, c'est l'implication humaine. Mmh. On doit y mettre quelque chose. Pour que le système marche. D'accord, ouais, mais c'est vrai. Il y a quelque chose qui entre en jeu aussi qui s'appelle l'immersion. Enfin, en fait, tu peux pas vraiment parler d'interaction avec le jeu s'il n'y a pas d'immersion. Je veux dire, tu dois te mettre dans le jeu. D'accord. Pour pouvoir avoir l'interactivité avec eux. L'interactivité, c'est une partie de l'immersion, c'est ça? C'est ça, complètement. Bah, si tu es immergé dans l'ambiance du jeu, je vois mal comment tu pourrais pas prendre du plaisir avec l'interaction du jeu. Le problème avec Beyond, justement, par exemple, c'est que il y a certains jeux qui te proposent des interactions et qui te demandent pas forcément d'être imprégné ni de l'ambiance ni du personnage ni de. Après voilà, pour Beyond, c'est qu'une démo évidemment, mais sur tout un jeu, on verra ce que ça donne. Mais si on n'est pas imprégné de tout ce qui fait l'univers du jeu, d'accord, ça fait vraiment beaucoup partie de l'interaction qu'il y a avec le joueur, évidemment, mais c'est au joueur aussi de faire un pas vers le jeu en étant complètement imprégné par le jeu. Mais quand tu parles d'imprégnation, je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut prendre les choses dans leur contexte, et que le contexte ne s'y prétend. Si tu te prends pas au jeu, effectivement, tu peux analyser la chose de façon à dire que voilà, trouver tous les défauts du monde, mais je pense que c'est valable pour pas mal de jeux aussi. C'est pas ouais voilà. Et ce qui pose problème. Désolé de te couper, c'est aussi ce qui pose problème, c'est manette en main. Hugo. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que l'interaction, c'est un élément de gameplay très important. Donc si on l'enlève, c'est le gameplay simplement. L'interaction, c'est le gameplay. S'il n'y a pas d'interaction, c'est être spectateur simplement. Oui, voilà. Donc, et en plus, c'est le problème avec ce genre de jeu, c'est qu'on te vend le jeu comme quelque chose d'interactif, comme si tes actes, manette en main, pouvaient influer sur l'histoire, alors qu'on a pu voir dans la démo. Bon, après, effectivement. Depuis la nuit des temps, hein. Là, c'est le cas du. Tu joues, mais tu suis un fil narratif directeur. Ouais, c'est vrai que dans tous les cas, quoi qu'on dise, tout est déjà codé, tout est déjà écrit. Au final, le joueur n'écrit que des micro-événements. Tout à fait. Tout le grand macro est déjà orchestré. Et, avec les technologies actuelles, maintenant, on peut en faire, quoique on doit pouvoir trouver des exemples de trucs quasiment avec des scénarios systémiques, mais c'est un challenge. Après, pour prendre l'exemple de David Cage et de Studio Quantic Dreams, Quantic Dream d'ailleurs, il y a un jeu, Fahrenheit, qui est sur PS2, 2004. qui était beaucoup plus... beaucoup moins dirigiste, en fait. D'accord. C'est que déjà, il y a quelque chose qui me choque dans Beyond et qui n'est dans aucun autre jeu. C'est la base du jeu vidéo, c'est le game over. Il n'y a aucun game over dans ce jeu. D'accord. C'est l'absence de game over qui fait qu'on ne peut pas s'imprégner de l'ambiance, d'accord, ni du personnage. On se dit, de toute façon, il ne va pas mourir. Ça enlève une tension du game over. Complètement. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si tu enlèves ça, le jeu, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un jeu? Surtout, en fait, dans un jeu, on peut perdre par définition, non? On peut gagner perdre. Donc, s'il n'y a pas de game over, est-ce que ça reste un jeu? Bah, en fait, c'est vrai que. C'est le résultat qui est quantifiable. Vas-y, dis-moi. Désolé, j'essaie de me rattraper dans des trucs universitaires. Vous me titillez sur des trucs de définition, c'est horrible. Mais en fait, c'est vrai que ce qui est amusant avec ce que vous dites et avec ce que tu dis, Camé, notamment Manu, ce que tu dis également, Ladislas, pardon, je l'ai pas encore cité, c'est tout simplement que dans Beyond, par exemple, et dans la plupart des jeux aujourd'hui qui mettent en avant la mise en scène, on peut penser un peu à Uncharted, on peut penser un peu à God of War, on peut penser à tous ces titres-là. Après, sans, voilà, ce sont des exemples hein, parmi d'autres, mais on voit qu'il y a une tendance actuellement sur ce côté-là. C'est qu'ils sont malgré tout interactifs. Ça veut dire que quand vous appuyez, il y a quand même une réaction. Mais le problème, c'est que les joueurs, ce n'est pas qu'ils ne trouvent pas ça interactif, c'est qu'ils n'acceptent pas ce type d'interaction. Et chose amusante avec ce qu'a cité Manu et Camé, c'est la notion de game over. Et la question que je m'étais posée aussi par rapport à ça, et que soulève un peu tout ça, c'est dire, est-ce que finalement, l'interaction, quand le joueur classique hein, accepte l'interaction, c'est qu'il accepte éventuellement, à un moment, c'est une sorte de pari dans lequel on peut perdre. C'est-à-dire qu'il y a forcément la notion d'échec derrière qui sous-tend un peu l'idée d'interaction, tout simplement. Et qu'il n'y a pas d'interaction s'il y a forcément réussite, et s'il n'y a pas ni perte ni échec. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est une question d'immersion. À partir du moment où tu tiens à ton personnage parce que tu ne veux pas qu'il meure, ça fait partie de l'immersion énormément. Je veux dire, en jouant à d'autres jeux, n'importe quel jeu, The Last of Us, que je sais pas, tu vas jouer au jeu en te disant il faut que je protège mon personnage, il faut que j'y tiens. Et d'accord, c'est le fait justement de le protéger, de ne pas vouloir le voir mourir, qui fait l'immersion. C'est en ça que le jeu est génial, c'est que c'est aussi ça en général. Là où le jeu vidéo est génial, c'est que ça permet une interaction, de s'accrocher pour des personnages beaucoup plus, parce qu'on a une incidence et une influence complète sur son destin, et c'est ça qui fait l'interaction et l'immersion. Voilà. Après, quand on nous enlève la peur en fait de la mort, de l'échec plutôt. D'accord. Je vois mal où est l'interaction. Où s'arrête le jeu vidéo et où commence le film en fait. C'est d'accord. Ça le. Mais c'est vrai que ouais, c'est en fait. C'est vraiment très hardcore gamer comme opinion. C'est j'aime la difficulté. Bah, même Hugo est choqué. Là, t'es en plein sur l'immersion systémique, avec du narratif. Qu'est-ce que l'immersion avec systémique vidéo, ce qui est intéressant, c'est une sorte de combat entre le jeu et le joueur. La dissuasion. Si tu l'enlèves, cette barrière où le joueur n'a absolument aucune challenge, influence sur le jeu et que le jeu avance de lui-même, ouais. C'est quelque chose d'assez particulier. Il faut vraiment accepter ce type de concept. Et c'est assez. Moi, personnellement, je sais que je n'arriverai pas à accepter ce genre de concept, mais après peut-être qu'on est trop fixé sur certaines bases du jeu vidéo, peut-être qu'il faudrait voir. Voilà, je veux dire que c'est une question d'évoluer, dans notre vision. Mais sûr que si tu te remets sur Space Invader, oui, il fallait mieux pas être, on va dire, passif, tu vois. Et c'est un des premiers jeux, on va dire, bien très connus, tu vois. Donc oui, si on reprend l'essence même du jeu vidéo, on va se dire qu'il faut être très actif. Maintenant, je pense que voilà, Cage, parce qu'on a cité lui tout à l'heure. Hein, je pense qu'il est voilà, c'est totalement exemple dans ce débat. Hein, c'est pas. Je pense qu'il essaye lui de faire des choses différentes et voilà. Après, l'histoire du risque pour le personnage, il était présent quelque part dans Heavy Rain et je me demande dans quelle mesure il sera encore présent, s'il le sera déjà, s'il l'est dans Beyond. Voilà, parce qu'on pouvait perdre certains personnages, voire tous les personnages dans Heavy Rain. D'accord. Et là, dans Beyond, on a l'impression que la fille est, on va dire, immortelle, voilà, invincible. Et est-ce que ça, c'est pas finalement un défaut de design? Est-ce que c'est pas une faille dans le système de David Cage? Mais c'est vrai que par rapport à. Et on peut rendre en fait hommage à ex-Serve, hein, quoi qu'on dise, bien sûr. Ouais. Puisque c'est quand même lui qui a permis justement de. Pas de mettre le doigt forcément et de dire c'est mauvais, mais au moins, voilà, de soulever un peu le débat. C'est que. Ouais. Dans l'idée, dans ce qu'il a montré, il y avait forcément de la réussite. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'il y avait réussite ou réussite, tout simplement. Ça veut dire que le joueur interagisse ou non, il y avait réussite ou réussite. Et il y a un jeu que beaucoup de personnes citent, d'ailleurs, un peu en opposition à Heavy Rain, c'est tout simplement The Walking Dead. Et je crois, en fait, que The Walking Dead, dont la plupart des... Enfin, dont beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs reconnaissent qu'il n'y a pas d'interaction peut-être plus poussée que dans Heavy Rain. Il y a peut-être beaucoup moins de choses qui sont effectivement beaucoup moins avancées, approfondies. Mais dans The Walking Dead, j'ai l'impression que le joueur, et pour se rapprocher justement de ce que disait Manu, la dimension de l'échec, donc de la dimension tragique, forcément, et qui crée en fait le lien entre le joueur et enfin voilà, qui implique le joueur simplement, eh ben, c'est que dans Walking Dead, c'est tout simplement échec ou échec. C'est quoi que vous fassiez, vous savez que dans tous les cas, c'est forcément une sorte de mauvaise solution. Et c'est là, justement, que le joueur se retrouve dans The Walking Dead par rapport à un autre système qui ne propose effectivement que la réussite. Et c'est là qu'il y a peut-être une limite, une définition, et une limite, donc une définition du jeu vidéo. Est-ce qu'on n'est pas d'ailleurs un petit peu limité, Hugo, à rester sur le terme jeu vidéo ? Ah. Est-ce que ce média ne perd pas à être justement défini seulement comme un jeu, à avoir une... Oui, avoir une issue quand, de gagner, de perdre, de rester dans ce genre de vocabulaire et ce type d'attente. Après, est-ce qu'on peut pas aller plus loin comme les autres, ouais, voilà. C'est est-ce que David Cage fait mal aux jeux vidéo, en fait. C'est ça la question. C'est est-ce que la démarche de David Cage est mauvaise pour le jeu vidéo. Après, je pense pas. C'est une idée comme une autre. Après, par exemple, un Andy Warhol quand il a commencé. Pour le grand public, c'était pas de l'art, et pourtant il n'y a plus aucun doute aujourd'hui que le pop art c'est de l'art. C'est juste une forme différente. D'ailleurs, David Cage dans la conférence pour Beyond l'avait dit, les goûts sont différents, les gens sont différents, donc on fait des jeux différents. Superbe slogan, sublime, excellent, travailler. Bien travaillé, je le sentais. Ah non, mais parce que là, ça a totalement coupé court à tout. Mais c'est vrai que là, bon, pour citer par exemple David, bien sûr que je salue, hein, s'il nous écoute, c'est que ce qu'il fait aujourd'hui, ça veut dire rapprocher le jeu vidéo du cinéma, éventuellement, donc en enlevant. C'est donc, une erreur. C'est une erreur. Mais c'est une erreur. En fait, par rapport à ça, on a déjà trop fait rapprocher le jeu vidéo du cinéma. Désolé, c'est ce qui s'est passé justement, Hugo, dans les années 90 avec le FMV. C'est que c'est pas un procès qu'on fait à David Cage. C'est pas un procès qu'on fait à Quantic Dream. C'est simplement que c'est un procès qui a déjà été fait sur 5 ans entre 93 et 98 à un genre de jeu au moment où le CD-ROM a commencé à exploser, qui s'appelait donc le FMV, mélange du film, de la musique et du jeu vidéo. Donc c'est pour ça qu'on a eu des jeux comme Reaper avec Christopher Walken, Daedalus Encounter avec Tia Carrere, Tender Loving Care avec John Hurt, donc bon, voilà, enfin, et d'autres noms en plus, Mark Hamill, John Rhys-Davies, tout ça, Malcolm McDowell, c'est que on a déjà tenté cette expérience pendant 5 ans, c'est juste que ça n'a jamais marché. Le public, grand public ou gamer, hein, n'a jamais en fait adhéré à cette chose-là. Sous cette forme-là, en tout cas. Ça n'a jamais marché parce que c'est de l'image filmée. C'est pas de l'image malléable sur laquelle tu peux interagir en entier. T'as vraiment t'as une pure réduction d'interaction. Ça peut pas vraiment rentrer dans ce qui attire dans le jeu vidéo en ce moment. Le souci aussi, c'est que dans le jeu vidéo, voilà, il y a deux termes, jeu et vidéo. Et si on privilégie la vidéo au jeu, c'est là aussi où on n'accepte pas de pas pouvoir jouer, justement. Parce que jouer, c'est un terme. Le jeu, c'est un terme très... pas marquant, mais c'est ce qui doit être privilégié, comme on a dit tout à l'heure, c'est le gameplay. Et si t'enlèves le gameplay en privilégiant la vidéo... Le gameplay, ouais. Et l'échec, hein. D'accord. Oui. Et l'échec, surtout la difficulté. C'est même là où on va revenir à Quantic Dream, désolé pour la prononciation. C'est que c'est très... On va dire, le jeu est très facilité. Comme dit, il n'y a aucun échec. Il n'y a donc aucune notion de difficulté. Mais c'est vrai aujourd'hui, les anciens joueurs, on va dire les hardcore gamers, recherchent de la difficulté. Donc là aussi, est-ce qu'on est prêt à ce genre de jeu ? Est-ce qu'on veut l'accepter aussi ? C'est là où il faudra se poser la question. Mais c'est vrai que... Vous allez arrêter votre fixette sur la difficulté, l'échec et tout ça. C'est clair. Allez jouer à Botanicula, merde ! C'est bien, on peut pas perdre, c'est bien, c'est magnifique Botanicula. Non, et puis trouve qu'un jeu comme The Walking Dead de Telltale, c'est pas difficile en soi, et pourtant ça a été jeu de l'année l'année dernière. Ah non, mais c'est l'échec ou l'échec, tu vois ? Voilà, enfin, pour moi, c'est ça. Mais je veux dire, enfin, on n'est pas non plus à la recherche de la difficulté. Peut-être à un moment, on était vraiment à la recherche du hardcore, mais après, maintenant, il y a tellement de choix dans le jeu vidéo que, enfin, The Walking Dead, c'est vraiment un exemple du jeu que tout le monde a aimé. Et pourtant, il est pas si difficile que ça, quoi. Il y a aucune difficulté. Vraiment. C'est plutôt le scénario qui a été mis. Complètement. Est-ce que le jeu lui-même, il est si extraordinaire que ça, finalement? Ça reste un point and click, on va dire, un peu standard. Ouais, c'est le scénario. Peut-être même un peu moins, tu vois. Peut-être même pour moi, t'as même pas de combinaison, d'objets, de trucs comme ça, comme on pouvait avoir dans les années 90. Là, on est dans le style, c'est l'histoire racontée, bien racontée, certes, avec ce que j'appelle un peu des hold-up émotionnels, puisqu'on te met dans des situations, c'est un peu n'importe quoi parfois, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. En termes de gameplay, de game design, c'est pas exceptionnel. C'est l'histoire, on va dire, qui a un peu charmé les joueurs, tu vois. Mais... l'esthétique aussi qui a été beaucoup qui a facilité là, on va dire le succès de ce jeu, mais après c'est vrai en termes de gameplay, c'est une game zone, c'était c'est pauvre quoi, c'est un point and click. Oh oui, carrément. T'as deux choix quoi, t'as deux trois choix. J'ai déjà vu 300 fois dans les Telltale, ils ont fait pareil avec Retour à le futur, avec pas mal d'autres jeux. Bon, voilà, il y a rien de surprenant, on va dire. Sans forcément justement passer par l'échec au sens game over, hein, parce que tout à l'heure Manu avait cité le game over, mais c'est simplement, et quelqu'un peut-être a parlé de skill éventuellement, mais c'est éventuellement dire que il faut que lorsqu'on joue, il y a un moment des gens qui se débrouillent mieux, d'accord, et des gens qui se débrouillent moins bien. Donc que ce soit discriminant, d'accord, mais est-ce que ça peut forcément être visible. Exactement ça. Je pense que le mot que tu as dit est très juste, discriminant. Je pense que c'est ce que ne veut pas faire David Cage. Il veut faire un jeu auquel tout le monde pourrait jouer. C'est-à-dire avec le même résultat, monde, c'est le mec qui ne joue jamais aux jeux vidéo. Je pense que c'est ça son public. Ce qu'il vise lui, c'est de réconcilier les gens qui ne jouent jamais aux jeux vidéo parce qu'ils se disent j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Et c'est ça son public. C'est pas le mec qui va jouer à Call of Duty, c'est pas le mec qui va jouer à des jeux de baston, c'est pas voilà. Enfin, si eux ils aiment le jeu, tant mieux pour eux. Mais c'est pas du tout le public qu'il vise. Lui, son idéal, c'est de réconcilier les gens fâchés avec le jeu vidéo parce que ils estiment que c'est un média. On va dire, c'est un peu péjoratif, tu sais, on dit jeu vidéo, on te regarde tout de suite différemment, tu vois. Donc, pour lui, je pense que c'est le but, c'est de réconcilier ces gens-là avec le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de réconcilier les gens Parce que Nintendo a fait ça avec la Wii, il y a quelques années. La dissuasion. Oui, ils ont d'ailleurs formidablement bien marché. Ouais, voilà. Donc là, même là... Nintendo n'a pas du tout le même positionnement que David Cage, hein. Nintendo visait casu. David Cage, il vise l'élitiste. Il essaye d'atteindre des lestres de noblesse du jeu vidéo en empruntant tous les codes du média cinématographique qui est déjà totalement institutionnalisé. Ouais. Et que, le cinéma. Mais... C'est son truc, le cinéma. Voilà, il l'a dit, il le cache pas. Enfin, il aime ça, donc après, qu'il a envie de rapprocher un peu plus le cinéma du jeu vidéo. Ça a été fait, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs fois, avec ou sans succès. Mais voilà, peut-être que lui, c'est juste qu'il le branche. Il a une boîte qui le finance. Il essaye de faire parler ses idées. Pourquoi pas, laissons-le faire. Enfin, je veux dire, éventuellement, bien sûr, voilà, de David Cage. Mais c'est vrai que une partie de jeux vidéo est une épopée, on va dire, personnelle, qui implique éventuellement donc ou de la chance, d'accord, ou du skill, d'accord, plus ou moins. Quand je parlais de discrimination tout à l'heure, ou bien effectivement, de passer plus ou moins de temps. Donc ça, c'est effectivement les trois facteurs sur lesquels vous pouvez jouer et qui va créer une différence entre joueurs. Donc l'expérience ne sera absolument pas la même, quand bien même elle serait la même à l'écran. Donc pour la question donc du skill, de la chance ou du temps que vous allez passer dessus. Après ça dépend bien sûr du type de jeu. Mais c'est vrai que et bien sûr la notion derrière, toujours tragique, de l'échec, d'accord, ce que Jesper Juul, que connaît peut-être notre ami Hugo, décrit comme art of failure, voilà, tout simplement. L'art de perdre, voilà, c'est apprendre à perdre, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est même pas le jeu vidéo en général, du bouquin, hein. Mais c'est le jeu, tout court. C'est que le jeu, c'est effectivement un cadre, en dehors du jeu vidéo, bien sûr, hein. C'est effectivement un cadre dans lequel on peut, tout est symbolique, mais la défaite n'a pas justement de la même importance que dans la réalité, tout simplement. Elle est sans conséquence. Mais c'est déjà la fonction du jeu première. Après, que ce soit le jeu de loi, le jeu de machin, tout ça. Donc, c'est tout à fait la problématique que pose Juul dans son bouquin. Vas-y. Même si je ne l'ai pas encore lu, lui, il se demande plutôt, du peu que je m'en suis renseigné, c'est en quoi la difficulté dans le jeu vidéo nous fait revenir dessus. Pourquoi Super Meat Boy nous fait kiffer? Pourquoi Dark Souls nous fait jurer et pourtant on aime ça? C'est l'échec. Pourquoi on aime se faire mal? C'est le goût de l'échec. On veut s'améliorer. On veut améliorer sa stratégie. On veut jouer au jeu, le réussir. Ça nous impose des défis. Et je pense que quand tu joues à un jeu, tu as besoin d'un défi quelque part. Non, putain. C'est très réducteur. Je parle de ce genre de jeu-là. Ce genre de jeu-là. En fait, mais plutôt un défi avec le jeu qu'on se lance. Je te rejoins, Hugo. En fait, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, j'ai joué à Demon's Souls la première fois, il n'était pas du tout sorti en France. Enfin, c'était J'ai ressenti quelque chose. En fait, j'ai ressenti de l'abandon. J'ai ressenti, tu vois, des choses dans le sens où c'était froid. Mais ça m'attirait parce que c'est pas qu'une question de défi. Parce que moi, je m'en fous. J'aime pas les jeux difficiles. Je suis un pantouflard. Tu vois, je suis un peu casanier. Donc voilà. Mais j'ai adoré ce jeu parce que il m'offrait quelque chose, une certaine immersion. Il y avait une vraie attirance. Il y avait on va dire ce design de château fort, de pierre froide, tu vois, il y avait un truc qui me faisait dire vas-y, je joue à ce jeu, il est vraiment génial, et j'ai vraiment adoré ce jeu. Et effectivement, c'est pas forcément le défi parce que je limite quand on me dit Demon's Souls ou Dark Souls il est dur, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Quand on me dit un jeu il est difficile, c'est pas ça qui me fait envie d'y aller. Mmh. Et je suis d'accord avec toi là-dessus. Donc tu voulais parler de, enfin, est-ce que tu voulais poursuivre, Hugo? Je t'ai peut-être interrompu. Peut-être mais... parce que vous voyez, vous avez une espèce de la une fascination sur la difficulté. Bah c'est alors pas que... nous. Et c'est sur l'échec, même... alors que le jeu vidéo, ouais. Rien qu'il n'y a pas toujours l'échec. On va prendre. Échec au sens game over. Je dis discriminant par grâce au skill, à la chance, au temps passé. Il y a forcément une différence et une épopée, on va dire, différente. Tu peux pas réduire ça. Ces trois facteurs marchent pas. Ah, marchent pas. Tu peux avoir le choix. Moi, je vais te donner le contre-exemple. Un genre entier, le visual novel. Mm-hmm. Ouais, mais là. Si tu choisis, t'as pas d'histoire de skill. T'as pas d'histoire de chance, à la limite. Ouais. Le temps non plus, c'est juste des. Tu choisis. C'est juste du choix, c'est pas du skill. Est-ce que ce que fait David Cage, justement, et qui a du mal à être intégré par les gamers, n'est pas une sorte de visual novel triple A, tout simplement? C'est un peu dans l'idée. On est quand même dans cette problématique-là aussi. Non? Enfin, moi, je vois ça comme ça, non? Dis-moi. Oui, enfin, après. Juste une seconde, je pense qu'on a tous en tête cette fameuse scène avec les branches, avec voilà, de Beyond Two Souls. Mm-hmm. C'est l'exemple du jour, c'est pour ça que j'en parle. Mais est-ce que finalement on n'a aucune idée du contenu du reste du jeu? Peut-être que c'est une exception parce que voilà, il y a une escapade, une fuite, voilà, merci beaucoup. Il y a une fuite, tu vois, du personnage principal, et on ne peut pas foirer cette fuite, voilà. C'est peut-être aussi la limite du fait qu'il n'y ait pas de game over, ni de, voilà. Du coup, à quoi ça servirait donc de mettre des skills qui te feraient, on va dire, calculer d'autres animations et tout ça? Je pense que c'est aussi par manque de, c'est pas un manque d'ambition, mais c'est un manque de moyens, ou de, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais je pense pas que, voilà, je pense que s'il avait pu, il l'aurait certainement donné des scènes alternatives. Mais après, je pense que les embranchements deviennent, mais vraiment infinis, et là on peut pas continuer, tu vois. C'est le type lorgne sur le cinéma, il va peut-être pas te donner autant d'embranchements que ça. C'est un triple A, faut pas déconner, ils ont du budget. Ensuite, j'ai jamais joué à un jeu de David Cage. Donc... Mais qui a joué à la démo, vraiment? Moi, j'y ai joué. J'ai testé. D'accord. Parce que, en fait, le truc, c'est, est-ce que quand vous y avez joué la première fois, vous y êtes mis à fond dedans? Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez vraiment pris parti pour le personnage et vous êtes dit, je vais faire les QTO au bon moment, je vais essayer de lui trouver j'ai essayé, mais au bout de 5 minutes, sincèrement, on s'ennuie assez facilement. Que l'exemple de Xerb, c'est ça, sur la vidéo, c'est que c'est hyper extrême, c'est presque caricatural, le fait de lâcher la manette et de voir. C'est vrai que c'est complètement idiot de faire un jeu. Personne normalement fait ça, tu vois. J'avais eu le jeu, j'aurais jamais pensé à faire ça. J'ai vu la vidéo avant d'avoir essayé la démo, et ça m'a complètement gâché le plaisir du jeu. Parce que je me disais, c'est vrai que ce que je fais là, en fait, ça sert à rien. Mais je le faisais quand même. Je regrette vraiment d'avoir vu cette vidéo. Pourtant, elle est très bien, la vidéo, mais je regrette de l'avoir vue, parce qu'au final, c'est pas quelque chose que j'aurais eu un jour l'idée d'essayer. D'accord. Voilà. C'est pas la façon de jouer. Vas-y. Mais la première fois que j'y ai joué, je me suis mis tellement à fond dedans que j'aurais jamais pu remarquer qu'il y avait ces erreurs. En fait, en y jouant une deuxième fois, en cherchant les différents embranchements, je me suis déjà dit que, en essayant de trouver les embranchements, d'arriver exactement au même point malgré les différentes routes, ça m'a déjà un petit peu déçu. Puis quand j'ai vu après la vidéo de Xer, c'est vrai que j'ai encore vu dans notre angle, en me disant, s'il y a aucun échec, c'est quand même... Surtout que David Cage l'avait mis en avant, ça avait dit, il n'y aura pas de game over, en disant que c'est comme si c'était un avantage. Finalement, en fait, on se rend compte que c'est complètement... Ça dessert le jeu. J'attends de voir, là, j'ai acheté le jeu, je verrai un petit peu demain. Après, cette notion de non-game over, ça peut se comprendre vis-à-vis de David Cage, vu qu'il veut se rapprocher du cinéma. En général, dans les films, le héros, à la fin, gagne toujours. Il s'en sort tout le temps, donc là, ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que là, vu avec la vidéo même, ce qui m'a le plus choqué, moi, c'est le combat, le pseudo-combat avec les chiens. Tu fais rien, ils te mordent, il se passe rien du tout. T'arrives quand même à les battre. C'est un truc... C'est assez troublant comme... Sans vouloir donner de nom, mais est-ce que c'est pas justement une tendance actuellement qu'on voit dans la plupart des gros jeux, qui n'est peut-être pas propre à David Cage, bien sûr, mais effectivement, dans les jeux actuellement, on a envie éventuellement de montrer un spectacle, avant tout, qui se déroule sous vos yeux, parce que quand je disais FMV machin, mais effectivement, cette absence de, enfin, ce mauvais compromis entre mise en scène et interactivité, aujourd'hui, on appelle ça le QTE, grosso merdo. Ouais. Donc, même dans des jeux qui sont triple A et qui sont très populaires, je prends Assassin's Creed. Ceux qui ont joué à Assassin's Creed 3, forcément, quand on se dit on va tuer des ours en QTE, ça, c'est vachement décevant. Enfin, même les loups, on rencontre des loups, c'est du QTE, c'est hyper décevant. Et je trouve que ça nuit à l'interaction complètement, en fait. Ouais, après, on est dans des jeux d'action, donc on va dire c'est encore plus dommageable. Un jeu qui raconte une histoire, à la limite, tu fais du QTE, bon, c'est pas. La vocation du jeu n'est pas de te faire un jeu d'action. C'est sûr. C'est peut-être déjà plus acceptable. Je vais vous poser justement une question par rapport à ça, par rapport au QTE. C'est seulement, est-ce que le problème éventuellement du QTE, ce n'est pas que quand nous jouons sur console, hein, notamment avec une manette, nous jouons avec des outils, enfin une manette, hein, des outils de précision. Et que si par exemple, hein, je dis si par exemple, tout était basé sur je ne sais pas moi, des données physiologiques, d'accord, si tout était basé, donc vous êtes face à l'écran bien sûr, hein, mais tout est basé éventuellement sur les battements de votre cœur, sur les battements de votre cœur, sur j'en sais rien moi, la moiteur de vos mains, etc. Mais vous n'interagissez pas avec précision, d'accord, vous êtes hors contrôle. Ouais. Donc est-ce que le problème, ce n'est pas que nous ayons entre les mains des outils de précision et qu'on nous demande de faire des choses fortement imprécises sur ces points-là, et que c'est là en fait là le problème? Peut-être pas le contrôleur, mais au moins l'avatar. Enfin, il y a quelque chose aussi, c'est que le fait que ce soit la troisième personne, on n'a pas la personnification. Enfin, on se sent pas vraiment investi. On regarde la destinée d'un personnage, on se sent pas vraiment. Il y a un jeu qui est Amnesia sur PC. Ouais, bien sûr. Ouais. Quand on joue à Amnesia, on se rend compte qu'en fait, on est complètement esclave de la réaction du personnage. Et là, je trouve qu'en fait, au niveau immersion, on est juste pas au top, parce qu'en fait, on est le personnage, on ressent les mêmes sensations que lui, et le personnage dans le jeu agit par peur, par exemple, il va se cacher dans un coin, quelque chose comme ça. On n'a aucune incidence là-dessus, mais on comprend sa réaction. Et je trouve qu'au niveau de l'immersion, voir réagir un personnage comme ça, enfin, c'est quand même différent que de juste faire un QTE dans une. Là, on parle vraiment d'immersion quand on est un personnage à la première personne qui réagit sans qu'on ait d'incidence dessus. Là, il y a vraiment des exemples comme ça où en fait la manette n'a rien à voir là-dedans, quoi. D'accord. Oui, on parle pas de performance, mais d'une espèce de logique interne au jeu. C'est ça. Et puis on est esclave du personnage et de sa volonté. Là, on est dans Beyond, on est plus esclave de la volonté des scénaristes et de la ligne scénaristique qui de toute façon est toujours la même apparemment. De l'embranchement en tout cas, enfin voilà, des possibilités qui sont définies par les embranchements. Voilà. Tu parlais du contrôle, enfin de la manette, tout ça, tout de l'interface qu'il y avait entre les deux. De l'interface de précision, enfin outil de précision, oui. Ouais. Enfin en parlant d'Amnesia, je trouve que tu vois, enfin que même avec une manette, avec une interface qui nous permet de contrôler, d'avoir une précision et de, on arrive quand même à être surpris et avoir une réelle immersion malgré l'interface qui est entre le joueur et le jeu. Oui. Et là, on y arrive vraiment, quoi. Donc, après, en fait, je pense que David Cage, plus Beyond d'ailleurs que les autres jeux de David Cage, parce que Fahrenheit, faut y avoir joué pour vraiment. C'est vraiment différent. Il y a des embranchements qui ont un réel impact sur la suite du jeu. D'accord. Il y a la notion de fin de partie, la notion d'échec. Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus un jeu. Bizarrement, je range plus ça dans les jeux. Que Beyond et Heavy Rain, j'ai plus tendance à placer ça dans un film plus-plus. C'est-à-dire un film qui va durer une dizaine d'heures. D'accord. Et qui va nous permettre d'avoir une interaction avec lui. Tu valides aussi, enfin voilà, que tu pourrais passer ça dans une autre case. Mais c'est vrai par rapport en fait à ce que vous dites aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que, tout à l'heure, j'ai un peu cité Jesper Njoul, qui est donc, qui travaille dans les Game Studies, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est un universitaire qui s'intéresse, qui se pense sur le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'il y a donc deux courants de pensée, universitaires, hein, d'accord, qu'on peut voir dans les thèses et tout ça, et dans la manière d'aborder justement ce médium. D'un côté, les narratologistes, et de l'autre, les ludologistes. Alors, vous avez peut-être compris. Ce débat qui est un petit peu enterré, j'ai l'impression, depuis quelque temps. Hein. Ah bon ? Mais, enfin, éventuellement, l'idée, c'est de dire que, pour simplifier, hein, le ludologiste, c'est celui qui s'intéresse éventuellement au gameplay, au jeu par le gameplay, d'accord ? Ça veut dire, par exemple, dire dans Super Mario, le fait d'aller sauver la princesse est pas important. C'est que le joueur, théoriquement, se fiche d'aller effectivement sauver la princesse. L'important, c'est effectivement le challenge, voilà, pour y arriver. Et qu'importe l'objectif final. Donc ça, c'est le ludologiste. Pas tout à fait, c'est très simplifié ça. Vas-y, dis-moi. Si tu me permets de le faire. Les narratologistes vont plutôt aller utiliser des outils déjà existants. Ils vont utiliser des outils pas adaptés pour analyser l'objet. Exactement. Les ludologues vont plutôt chercher à en définir de nouveau, voir qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ce média. Exactement. Mais justement, ce qu'on décrit là, c'est seulement est-ce que, par exemple, un titre comme Beyond, est-ce que, par exemple, des jeux qui deviennent plus ou moins des cinématiques, genre Call of Duty, tout ça, ne sont pas finalement aptes à être bien analysés et mieux compris par les narratologistes, d'accord, plutôt que par les ludologistes. Après, je sais pas si vous avez compris. Ça reste des objets ludiques. Il faut pas séparer les deux. Mais on est d'accord qu'il y a quand même une soumission. Tous ces outils d'analyse sont utiles. Ouais. Ils sont tous utiles, surtout quand on voit que le jeu vidéo est vraiment nourri du cinéma. Les créateurs ont bouffé des films et on y retrouve des éléments. On peut pas faire une analyse purement ludologique. Il faut quand même garder des éléments de narratologie. Mais comment dire, quand on parle effectivement de cinéma, même si on dit que c'est depuis un certain temps, ça veut dire éventuellement que tu regardes, je sais pas, Star Wars, tu vois, et tu fais, même si ça se change peut-être dans les dates, mais tu vois Star Wars et peut-être que ça t'inspire, Elite, par exemple, tu vois. Peut-être que tu regardes, un film avec Schwarzenegger et ça t'inspire, peut-être que ça t'aide quand tu fais Doom. Mais en même temps, tu peux pas comparer Elite à Star Wars et tu peux pas comparer Doom, à un film avec Schwarzenegger. Donc quand on parle d'inspiration, certains éléments culturels mis à droite à gauche, mais dans tous les cas, le cinéma n'affecte pas la structure du jeu. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Hugo. C'est que même s'il y a inspiration, elle est très faible et beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. On a l'impression de voir éventuellement une soumission, plus ou moins, et c'est plus ou moins ce que les joueurs remarquent, que ce soit avec les QTE, une soumission véritable, ça paraît forcé, tout simplement. Beaucoup plus que amené logiquement. Donc je sais pas si tu vois un peu la nuance que j'essaie de poser. J'avoue pas tout à fait à saisir, parce que là tu parles de QTE, de trucs assez récents, alors qu'avant on avait des cinématiques de 3 mètres de long. Rien que, Metal Gear Solid, vu qu'il faut le citer là-dessus. Mais au moins, une cinématique ne te ment pas. C'est qu'une cinématique reste une cinématique, tu vois. Enfin, disons que c'est beaucoup mieux divisé quand t'as une séquence. En opposition à quoi, en fait ? Quand je dis ne te mens pas, c'est que d'un côté, tu as éventuellement une tendance peut-être actuelle, peut-être Azrarath aussi, même si lui se place un peu à côté, c'est simplement faire passer éventuellement des cinématiques pour du jeu, alors qu'auparavant, les cinématiques restaient des cinématiques. C'est que tu pouvais poser ta manette, aller te prendre un café, aller pisser, et ensuite, quand tu revenais, tu arrivais sur une séquence de jeu. Aujourd'hui, les jeux récents rendent cela de moins en moins possible. Tu peux plus aller pisser pendant une cinématique, puisque là, c'est des cinématiques interactives, parce que c'est tellement bien réalisé que tu as l'impression, effectivement, de regarder une cinématique. Mais en plus, tu vois le bonhomme bouger au fur et à mesure que tu bouges ton stick. Donc, t'as quand même ça. C'est plus qu'une cinématique plus là. Ça reste de l'interaction quand même. Enfin, tu peux faire bouger ton personnage. D'ailleurs, un sujet concernant les cinématiques, ça vous l'a peut-être déjà fait. Oui. C'est en plein milieu d'une cinématique où il y a un QTE qui apparaît. Et, Resident Evil 5. Voilà, et ce QTE là est assez, on va dire, il y a possibilité de game over vis-à-vis du si tu rates le QTE. Et c'est là où ça pose un peu problème, parce que normalement une cinématique t'es complètement passif. Tu dois regarder. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, où les cinématiques nous mentent aujourd'hui, c'est quand on met un foutu QTE en plein milieu. Et si tu le rates, c'est pour te dire là, tu deviens actif, alors que tu l'es pas vraiment. Et en plus, si tu le rates, tu meurs. Et il y a un échec. En plus, tu baisses ta garde à ce moment-là, tu vois, en général. Oui, voilà, c'est ça. Tu dis, c'est bon, je suis cool, je peux prendre mon souffle, poser la manette tranquille. Et là, tu vois un petit QTE et game over. C'est trop bon, ça aussi. Est-ce que c'est pas finalement pour l'immersion de faire ça, de faire des QTE en pleine cinématique, Est-ce que ça marche pour l'immersion, puisque tout le monde s'en plaint? Je sais pas, je suis pas sûr que ça me fasse plus sentir l'action. Je me dis plus, oh l'enfoiré, il a mis un QTE. C'est plus énervant que chose. Ouais, c'est plus énervant en fait. Parce que une cinématique, finalement, tu la regardes, t'es bien calé dans ton truc. Mm-hmm. Tu, tu, t'as le dos reposé, je sais pas quand vous jouez, comment vous êtes. Moi, je suis souvent un petit peu penché, enfin pas en avant, mais un petit peu penché, tu vois, vers l'avant, parce que je sais que je suis dans l'action. Et quand je sens que voilà, je me relâche, paf, je m'adosse sur mon siège et je ne bouge plus et je respire. Et alors que tu vois, si on me dit à ce moment-là qu'il fallait appuyer sur une touche, je suis pas prêt. Enfin, je me dis mais c'est pas du jeu, tu vois, t'as triché, game designer. Il y a des moments en fait de stress. Ça veut dire que effectivement, tu te places en état de stress, mais et donc voilà, ce sont les moments du jeu. Et quand tu choisis de sortir de ces états de stress, le jeu ne théoriquement ne doit plus te solliciter, c'est ça, à ce moment-là. C'est ça. D'accord. C'est que les règles n'ont pas été bien définies, bien. Il y a un code, voilà. Bien donné, bien expliqué, finalement. D'accord. Ouais, c'est sûr. Bah en fait, c'est briser les codes tout simplement, mais de manière, on va dire, inopinée et un peu, peut-être, comment dire, un peu insolente, mais pas insolente, mais plutôt comment on peut appeler ça ? Je sais plus. Bon, c'est. D'accord. Je pense que vous aurez compris. Impertinente. Voilà. Quand tu brises les codes et que tu en mets en place de nouveaux, on espère aussi que les nouveaux soient fonctionnels, tu vois. Briser les codes pour briser les codes, tu vois, en même temps. Mais pour moi, c'est un peu ça. Voilà, c'est briser le code pour le briser et juste pour foutre la merde, finalement. D'accord. Tout simplement. Enfin, quand on dit foutre la merde, oui. Pour essayer éventuellement. Passez-moi l'expression. Peut-être de trouver une nouvelle formule, mais en attendant, voilà, tant qu'il n'y a pas acceptation non plus de nouveaux codes. Ben, on peut pas, voilà, on peut pas légitimer, voilà, tout simplement la mise en place de nouveaux codes tant qu'il n'arrive pas à être accepté aussi. Je ne connais pas tout le monde sur Terre, mais je pense pas que quelqu'un se soit dit ah c'est génial, tu vois, c'est plutôt ah l'enfoiré. D'accord. Après peut-être qu'en disant ah l'enfoiré, ça veut dire ah c'est génial, mais pour moi je trouve pas ça génial, je trouve ça c'est frustrant. C'est fourbe, ouais, c'est frustrant, c'est. Bah, surtout de dire que tu perds, que tu meurs à cause d'un QTE, alors que 5 minutes avant, tu combattais plusieurs mobs en même temps. Mmh. Est-ce que ce serait pas une difficulté façon... Alors là, juste avec un QTE dans une cinématique, c'est. Ouais. Est-ce que ce serait pas une façon des développeurs, enfin des scénaristes, de mettre les joueurs en haleine de façon en fait. Ça veut dire en gros, concentre-toi sur ma cinématique, concentre-toi sur mon scénario, concentre-toi sur mon histoire. Oui, voilà, c'est peut-être un petit clin d'œil. Effectivement, c'est peut-être un petit clin d'œil toi qui as l'habitude de dire que mes cinématiques elles sont chiantes et longues et tout ça, bah tiens, je te mets une quenelle, tu vois. Mais la différence, ça peut être ça aussi. Entre une cinématique et un moment de jeu, tout simplement, c'est que dans le moment de jeu, au final, à force de développer, en fait, c'est aussi une question, comme je disais, un peu de skill et d'habitude, c'est que tu t'habitues en fait à reconnaître des codes. Ça veut dire que tu sais que un Goomba va peut-être te sauter dessus. Enfin, les Goombas sautent pas, tu vois. Mais voilà, tu te dis effectivement, un Goomba va marcher. Quant à ces ennemis-là, je sais qu'ils vont me sauter dessus. Quand il se passe ça, éventuellement, tu vois, je sais qu'il va se passer ça. Le problème en fait avec les cinématiques, c'est que tout ce que tu as appris avant ne te sert plus à rien, puisque tout simplement, il n'y a plus de repères, il n'y a absolument plus de code. Donc tu ne peux pas savoir à quel moment est-ce qu'on va t'attaquer, à ce moment est-ce qu'on va te solliciter. Et ça, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avertissement, même si vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Dans une partie normale, il y a des avertissements. Et là, en fait, tu mets le joueur dans un état de stress qui n'est plus du bon stress, comme le jeu vidéo, mais comme une partie dans laquelle tu te dis, voilà, je choisis de me mettre en état de stress pour relever ce challenge. Là, c'est en fait un mauvais stress, parce que c'est le stress de la panique. C'est le stress du « je ne sais absolument pas ce qui va arriver ». Exactement, comme si tu étais dans une ruelle sombre et que tu entendais des pas derrière toi, tu vois. C'est un peu ce genre de stress-là. Et c'est peut-être ça, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de code, et le jeu vidéo... Et les jeux en général mettent en place des codes en permanence, tout simplement. Après, que ce soit de nouveaux codes par rapport aux anciens, d'accord, mais il faut quand même que tu aies des codes, tout simplement. Et la cinématique. Le jeu vidéo, c'est du code. Ah non, mais tout à fait, oui. Après, en code comme codé et code comme code, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est, voilà. Mais bon, c'est peut-être éventuellement le problème de la cinématique. Donc, est-ce qu'il y aura un jour des codes repris dans d'autres jeux et qui permettront éventuellement au QTE de cinématique d'être accepté tout simplement, parce que dans chaque jeu on verra que ah tiens, quand le mec fait ça dans la cinématique, je sais qu'il va se passer ça, donc je sais que ça va devenir interactif, et c'est peut-être ça un peu la solution éventuellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le souci, il faudrait que ce qui se passe dans la cinématique en tant que QTE ne le soit plus après, quand tu joues vraiment. Parce que si après ça reste sur du QTE, ça n'apportera rien du tout en termes de gameplay, donc ça va être assez compliqué, je pense, pour intégrer le QTE dans le jeu, surtout qu'on l'accepte. Parce que quand un QTE, en gros, ça sert pas à grand chose, c'est juste sur l'instant donné, tu spammes ta manette. C'est bête et méchant. Après, les QTE, c'est sincèrement, moi, j'ai assez du mal avec ce QTE. Avec ce procédé, je vois pas grand intérêt, sauf si le jeu est... Et comment dire, si le jeu est développé en termes de QTE en lui-même, mais sinon, si dans un... dans un jeu d'action ou autre, un RPG, si on met des QTE, je sais pas si le mélange des genres comme ça, c'est assez propice au développement. C'est assez bizarre. C'est assez propice dans certaines situations. Je prends, franchement, pour moi, le jeu qui utilise le mieux les QTE, c'est God of War. God of War, donc, tu vas affronter un monstre, enfin, ou plutôt un dieu, un titan, ce que tu veux, et tu vas pas le finir avec un coup de lame, tu sais, standard, tu vois, c'est le truc, pour un finish, c'est génial. Mais ça, tu peux te repérer pour à la barre de vie. Avancer d'une phase. C'est, je trouve ça génial. Donc, enfin, c'est la meilleure façon, on va dire, c'est ce qui, pour moi, m'a fait kiffer, entre guillemets, la saga God of War. C'est de me dire, waouh, voilà ce qui se passe quand j'appuie sur telle touche. C'est là que j'ai vraiment découvert le QTE, là. C'est pas dans un autre jeu. J'ai trouvé ça super, super, comment dire, super pertinent, pour revenir à ce mot-là. Manu, toi qui as fait l'acquisition aujourd'hui de Beyond, même si c'est pas, d'accord, même si c'est quand même l'exemple privilégié, c'est vrai, aujourd'hui. Mais est-ce que tu penses, Manu et ensuite les autres, hein, est-ce que tu penses justement que, après avoir joué à Beyond de Two Souls, donc de Quantic Dream, ta perception du jeu vidéo, est-ce que tu t'attends, voilà, à ce que ta perception du jeu vidéo soit bouleversée, à te dire, il y a des choses auxquelles je ne pensais pas du tout, auxquelles je n'étais absolument pas sensible, auxquelles je me pensais réticent, voilà. Alors, on est en terrain connu, enfin, je veux dire, tu joues à Beyond, t'as déjà joué à Heavy Rain, ou à Fahrenheit, t'es déjà en terrain connu, tu sais. D'accord. Que David Cage fait un peu ce qu'il veut. C'est vrai que j'ai beaucoup d'appréhension, là, j'ai été à chercher le jeu tout à l'heure, et puis en fait, à force de refaire et de refaire la démo, j'ai de plus en plus d'appréhension. Après, je me demande si les embranchements et les limites, et j'espère que c'est ça, sont limités par la démo. Le fait de spoiler l'histoire qui semble assez importante aux yeux de tout à fait. J'espère que ça va être ça, parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec des embranchements qui mèneront au même point, et ça va tuer la rejouabilité du jeu. J'aurais vraiment pas envie de refaire le jeu en me disant que je fasse ça ou ça, j'arriverai de toute façon à la même, conclusion. Ce type de jeu est destiné à ne pas être rejoué. C'est 100 euros quand même. Alors, d'après Cage, s'il est présenté comme un film, il sera rejoué, il sera revu. Tout à fait. Mais d'après Cage, ce jeu ne doit être joué qu'une seule fois. D'après David Cage. D'accord. Alors, il ne doit être joué. Mais ce qu'il y a justement d'intéressant, c'est de faire comme le créateur dit pas. C'est de pousser les limites du jeu, d'aller voir où est-ce que. Bah, justement, de pas toucher la manette comme c'était prévu, d'aller explorer les limites. Mais je trouve que ça part de plus en plus du jeu pour s'approcher du film. Enfin, bon, on part d'un Fahrenheit qui était, même si très film interactif, laissait beaucoup de choix, en fait. Enfin, c'était, en gros, on avait un criminel dans une main, la police dans l'autre, et on devait gérer les deux en même temps, et c'était hyper exaltant. C'était vraiment génial comme idée. Dans Heavy Rain, c'était déjà moins le cas. C'était beaucoup de, même s'il y avait beaucoup d'embranchements et beaucoup de possibilités, finalement, ça restait la même chose, mais on avait l'illusion de pouvoir avoir une grosse influence sur le jeu. Et là, on a vraiment pas du tout. Surtout sur la fin, en fait. Hein. C'est surtout sur la fin qu'on a des embranchements un petit peu particuliers, des vraies conséquences. Mais c'est ça. À partir du moment où les persos commencent à pouvoir entre guillemets décéder. Il y a un moment, il y a vraiment un moment assez dramatique, un virage vraiment assez dramatique dans le jeu. Qui te dit attention, enfin qui te dit ou tu te rends compte, attention, tes persos peuvent mourir parce qu'ils se retrouvent tous face à la mort finalement. C'est ça qui fait que c'est là où en fait Beyond Chain, c'est qu'il n'y a plus l'illusion du tout d'avoir une influence quelconque sur le. You know, ever since I arrived in New York.